La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue à une toute nouvelle édition de l'émission qui frappe dedans l'actualité à grands coups d'amour sur les ondes de C'est Fou 89.1 en compagnie du rigoureux Lucas Hubert à la console. Bonjour! De moi-même Sébastien Guertin et de notre invité de cette semaine, M. Jean-François Aubin, candidat à la mairie de Trois-Rivières. Bonjour! Bonjour M. Aubin, merci d'être venu nous rencontrer. C'est pas tout le monde dans cette campagne-là qui va venir nous voir, j'ai l'impression. Fait qu'on vous remercie. Ça devrait, pourtant, ça devrait, c'est... Ça vous honore, tout d'abord, merci. Fait que ça, c'est la partie complaisante de l'entrevue. Maintenant, on passe au pot. C'est ça. Juste pour vous présenter rapidement, vous êtes déjà, si vous n'êtes pas à vos premières armes en politique municipale, ça fait déjà plusieurs fois que vous êtes réélu. Non, pas plusieurs fois. J'ai été élu pour la première fois en 2013. Donc, c'est un premier mandat là, comme conseiller municipal que je termine actuellement. D'accord. Vous, c'est dans Marie de l'Incarnation, si je me rappelle. Exactement. Ce qu'on appelle les premiers quartiers, là, le bas de la ville, Sainte-Cécile, Saint-François, tout ce secteur-là. Puis vous, c'est quand même des quartiers que vous connaissez bien dans votre carrière avant la politique, en fait. Oui, parce que je travaillais dans ces quartiers-là depuis une vingtaine d'années. Là. J'ai travaillé dans des projets de revitalisation, j'ai travaillé dans des organismes communautaires. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans ce coin-là. Là. D'accord. Ça, est-ce que vous croyez que ça va être dans le fond, en gros, je voulais en venir à savoir c'est quoi les principaux enjeux de la campagne municipale, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup du municipal. Oui. Fait que selon vous, c'est quoi, vous, mettons, ce qui va être mis de l'avant, là, ce qui va être vraiment le gros débat de la campagne? D'ailleurs, de toute façon, moi-même, là, ça va être la première fois que je vais voter à Trois-Rivières. Je suis de Shawinigan, puis j'essaye vraiment de m'informer. C'est quoi les enjeux au municipal? C'est quoi les enjeux? Mais c'est difficile à trouver. Oui, bonne question. C'est certain que je pense qu'il va en paraître un peu plus clair là, à mesure qu'on va avancer vers l'élection, qui est le 5 novembre. Mais vous avez raison que c'est important d'en parler parce que au municipal, là, disons les vraies choses, ça va pas beaucoup voter. Hein? C'est 56-57% le taux de participation. Donc, ça veut dire que c'est presque la moitié des gens là, qui pourraient aller voter qui n'y vont pas. Dans les enjeux principaux, ben, il y en a différents. Il y en a un qui porte sur la question de la vision un peu qu'on a de la démocratie à Trois-Rivières, de la ville de Trois-Rivières. Donc, comment on écoute les gens? Est-ce qu'il y a des moyens pour informer les gens? Moi, je trouve, par exemple, qu'il y en a actuellement vraiment pas assez. On a un site web traditionnel, la ville, qui n'est pas toujours très facile d'accès. On n'a pas de page Facebook, on n'a pas d'autres liens, on n'a pas d'autres méthodes pour rejoindre les gens, alors qu'on est quand même en 2017. Là. J'ai été voir, moi, juste parce que moi, j'habite sur Louis Pasteur, là, à côté de l'hôpital. J'ai été sur le site de Trois-Rivières juste pour essayer de voir c'était quoi, moi, la circonscription où je votais pour le conseil municipal. Je voulais essayer de voir c'est qui se présentait, etc., etc. Il y a une espèce de gadget sur le site pour aller voir, on rentre son adresse, quelque chose, puis ça nous dit justement on fait partie de quelle circonscription. Ça fonctionne même pas. Ben, il fonctionne même pas. Je ne sais pas, je vote où. Moi, je peux vous le dire, c'est dans le district du Carmel, mais vous illustrez mieux que moi les manques qu'on a actuellement au niveau de l'information. Et ça, pour moi, ça en est un parce que il y a un peu un enjeu de démocratie. Si on veut que les gens participent, il faut les informer, il faut être en lien avec eux. Bon, on pourrait facilement là, utiliser plein de moyens qui sont utilisés maintenant pour sonder les gens, aller chercher leur opinion et tout ça. Puis je rajoute un petit élément politique provincial qui a un lien avec le municipal. On sait que, ou en tout cas plusieurs personnes savent quand même qu'il y a un projet de loi actuellement qui est discuté à Québec qui s'appelle le projet de loi 122 sur les municipalités. Et dans ce projet de loi-là, une des choses, c'est qu'on va faire, on va diminuer de beaucoup, puis peut-être même faire disparaître ce qu'on appelle les référendums dans les villes et municipalités. C'est-à-dire que sur certains changements de zonage, à cause qu'il y a une entreprise qui vient s'installer dans tel coin, ou sur des gros emprunts, les gens ont la possibilité, les citoyens, de s'y opposer. Ils vont signer un registre, et s'il y a suffisamment de gens qui vont signer le registre, il y a un référendum. Mais ça fort probablement, ça va disparaître avec le projet de loi. Fait que d'autant plus, une autre raison de plus pour que la question de la démocratie soit présente puis soit un des enjeux de cette campagne-là. Justement, parlant de démocratie, on sait que Trois-Rivières, ça a tendance à voter par habitude, pour ne pas dire que, en fait, ben, depuis que la ville de Trois-Rivières a les limites qu'elle a actuellement, ça a été Yves Lévesque qui a été maire de Trois-Rivières. Tout le monde qui s'est essayé à aller essayer de faire un combo breaker de son règne s'est un peu heurté à une espèce de vote par habitude, d'inertie, mettons, de l'électorat. c'est un gros défi, vous pensez, vous êtes là à ça comment, mettons? Bien, d'abord avec le temps. Hein, vous remarquez, on est le 20 mars aujourd'hui, l'élection est le 5 novembre, il reste encore pratiquement 9 mois. C'était clair pour moi que si j'y allais, que je me présentais rapidement pour pouvoir avoir le temps de rencontrer beaucoup les gens, puis d'aller dans tous les milieux, puis discuter avec les gens. Donc, je pense que ça prend ça, là, parce que sinon, on ne réussit pas à convaincre ce côté-là. Puis l'autre petit élément que je rajouterais, c'est que ce qui est arrivé aussi dans le passé, c'est que l'opposition s'est souvent beaucoup divisée. Hein, la dernière élection, M. Lévesque n'a pas eu 50 % des votes. Il y en a eu 49 %, mais le reste, ça s'est éclaté dans différentes personnes d'opposition. C'est ça. Si ça se maintient comme c'est présentement, vous seriez la seule personne à vous présenter face à M. Lévesque. Il y avait notre candidat, M. Adib... Adib Simidja, oui, oui. Qui finalement vous a donné son... circulé oui. Et vous a appuyé. Exactement, exactement. Et j'espère pouvoir rallier aussi toutes les personnes qui pensent que ça prend un changement, parce que malheureusement, il faut bien le dire, c'est un enjeu. Pour arriver à un changement, si on est trop de personnes, ça éclate l'opposition. M. Lévesque reste avec un bloc qui diminue, mais qui est quand même assez présent, et lui, il peut se glisser facilement là-dedans. Oui. Vous vouliez d'ailleurs, je crois, être la voix un peu des milieux communautaires face à M. Lévesque. Vous-même, vous êtes assez, je crois, présent dans ces milieux-là. Est-ce que vous aviez prévu, M. Aubin, maire, faire des modifications un peu sur les apports de la municipalité face aux milieux communautaires? Je sais que présentement, il y a des ententes, par exemple, pour l'allocation des locaux. Il y a des locaux, je crois, qui sont fournis par la ville, des choses comme ça. Mais est-ce que vous prévoyez aller plus loin? Parce que je crois les besoins du milieu communautaire avec le climat qu'on a un peu ces temps-ci sont de plus en plus grands. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'on peut aller plus loin là-dedans. Puis là, on peut le faire sous l'angle des milieux communautaires. Il y a probablement lieu là, de revoir une politique de soutien aux organismes communautaires, tout en sachant que le financement principal quand même des organismes communautaires, c'est une responsabilité qui relève du gouvernement québécois et non pas des municipalités, mais la ville peut aider, soutenir. Vous avez donné des exemples, l'exemple des locaux et tout ça. Donc, on peut jouer un rôle pour aider davantage et on devrait le faire, à mon avis. De quelle façon, par exemple? Bien, par exemple, notamment en soutenant, en accompagnant. Je pense qu'on a du personnel à la ville qui pourrait donner un coup de main puis accompagner les organismes qui parfois ne savent pas comment s'y prendre. Je vous donne un exemple concret. Une organisme communautaire qui m'interpelle, qui m'invite d'abord dans une activité bénéfice puis qui m'interpelle à la suite en disant, bien, écoutez, c'était notre première, on ne sait pas trop comment faire ça, on est un peu pris, on n'a pas le choix d'en faire maintenant certaines activités bénéfices. Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que ça serait possible de nous aider à monter ça? Bien, on pourrait développer des expertises puis aider les gens à ce niveau-là. Donc, sur différentes choses comme ça, on peut aider. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le financement des organismes communautaires à proprement parler, ça relève du gouvernement du Québec. Par contre, tout ce qui est milieu de vie, dans lequel sont souvent impliqués les organismes communautaires, ça relève de la ville. Et là, on peut aussi développer des projets qui vont aider au milieu de vie, puis que ça soit fait par des organismes communautaires. Je vous donne un dernier exemple concret là-dessus. Il y a un organisme à Trois-Rivières qui s'appelle Aux Trois Pivots, qui travaille en médiation. Ils font souvent là, quand des jeunes vont être envoyés à la cour pour une première fois, ils vont trouver, ce qu'on appelle la justice alternative. Bien, ils ont aussi un service de médiation citoyenne. On peut, quand il y a des chicanes de voisins ou des choses comme ça, faire appel à eux. Fait qu'au lieu de toujours faire intervenir la police tout le temps, là, on peut travailler avec des gens qui sont habilités de trouver d'autres façons de travailler. Et ça, la ville pourrait soutenir ça. Merci beaucoup. On parle d'infrastructure, justement. Moi, une chose qui revient souvent quand on parle avec des purs et durs de Lévesque, c'est de dire « laissez-y une chance de finir son district 55 ». je m'en allais. Pour les gens qui ne sont pas dans le studio, on a vu un roulement d'œil. moi, ce que je me demande, c'est qu'il y a quand même eu des choses d'engager par rapport à ça. Puis oui, c'est vrai, vous parlez d'un retour vers le communautaire, mais on se fait souvent dire « ouais, mais… » tu sais, Lévesque, dans les dernières années, avec ses gros projets comme ça, il a revitalisé la ville, il fait revenir les entrepreneurs. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières, va continuer de faire le district 55 ou vous voulez voir ça autrement, le repenser ou carrément on oublie ça et on investit ailleurs? OK. Je vous réponds sur deux points. Le premier point, tantôt vous m'avez interrogé sur le milieu communautaire, mais vous comprendrez que pour moi, ce n'est pas le seul enjeu, notamment par rapport aux jeunes, la question d'accès à des emplois de qualité, pas juste dans le tourisme, là, mais dans tous les domaines. C'est un enjeu important, puis je vais venir en discuter plus tard là, avec les étudiants de l'université, parce que ça serait intéressant, il y a beaucoup qui souhaiteraient rester et travailler à Trois-Rivières, mais il faut qu'il y ait des emplois qui leur permettent ça. Hein? Oui. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est oui, une ville peut faire parfois des gros projets, mais ça a une limite, ça, de développer tout le temps et seulement par des gros projets qui coûtent des dizaines de millions. Ça fait en sorte que les taxes aussi des gens augmentent sans cesse, puis ça fait que tout l'argent qu'on met là-dessus, on ne la met pas sur d'autres projets de milieu de vie. On ne la met pas sur d'autres projets qui pourraient être réalisés au niveau de la ville. Puis, entre autres, une des idées, moi, que je veux explorer, c'est la question de la gratuité du transport scolaire pour les étudiants, comme il se fait dans d'autres villes. Fait que ça, c'est le genre d'idée qu'on peut faire, qui se fait, qui n'est pas infaisable, mais ça demande qu'une ville en fasse le choix, puis peut-être qu'elle fasse un peu moins, toujours plein de gros projets. Dernière partie de la réponse, District 55. Le District 55, quand il nous a été vendu, en guillemets, il nous a été vendu sur l'idée que c'était pour amener des grandes bannières, hein, comme IKEA et autres, qui ne sont pas à Trois-Rivières. Donc, ça venait pas dédoubler, ça venait amener des commerces ici, puis amener des gens à venir ici. En avez-vous vu, vous, des grandes bannières nouvelles, celles qui se sont installées à date? C'est celles qui étaient déjà à Trois-Rivières qui se sont reconstruites, là. Fait qu'il faut revoir, à mon avis, le plan de développement du District 55 avec le promoteur. C'est pas de tout arrêter, on ne laissera pas ça en friche, mais il faut revoir comment on va faire là, pour que ça fonctionne dans le contexte actuel et que ça soit réaliste. Mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que ça me permet de faire une vous parlez de transport en commun, en fait. Puis étant étudiants les deux, on va se le dire, nous autres, le transport en commun, c'est quand même une chose qu'on se demandait. C'est parce que la gratuité, c'est une chose, mais si vous regardez les c'est pas rien qu'une question de tarification. Oui. Je pense que le transport en commun à Trois-Rivières, il y a quand même... faudrait faire un ménage ne serait-ce que dans les trajets, en fait. Oui. Présentement, on est une des villes aussi, on est une des rares villes étudiantes que les deux établissements d'éducation supérieure sont pas des terminus. Mm-hmm. Ce ne sont pas des terminus d'autobus. Il y a à peine d'autobus qui passent sur le campus, nous autres, en fait. Mm-hmm. Bien, vous avez raison. C'est une très bonne question. On peut pas... Ce n'est pas juste une question de coût. Il y a une question de coût, mais il y a aussi toute la question... Parce qu'il y a quand même des avantages là, offerts là, aux étudiants qui fait que ça peut revenir pas trop cher. Mais c'est aussi une question de réorganisation du système pour que les gens puissent rapidement et facilement se rendre sur le campus. Il y a déjà des bouts qui ont commencé à être travaillés là-dessus, mais qui ne sont pas encore en application. Donc, il faut s'assurer qu'ils vont être appliqués. Puis, je pense qu'il faut vraiment revoir ça, que le transport en commun, dans le fond, soit vraiment axé et serve aux gens qui l'utilisent, puis qui sont les plus susceptibles de l'utiliser. Là, c'est comme si on le pense pour tout le monde, partout, mais on est une petite ville, on n'a souvent pas les moyens que ce soit un service qui soit efficace, donc ça passe à des horaires qui ne fonctionnent souvent pas, que ça passe dans des routes qui sont souvent trop longues. Essayez de partir d'un bout de la ville puis vous emmener à l'université. Tout le monde qui a fait ça, là... Ah non, c'est un enfant. Hein? C'est ça, il a démissionné puis s'est dit « je vais m'acheter une auto », là. Ne serait-ce que de partir de 5 minutes d'auto de l'université puis y venir, des fois, ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes, là. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut revoir le système. Ça, vous avez parfaitement raison. Ça va de pair avec l'idée d'une gratuité du transport en commun. Puis justement, par rapport à ça, je parlais de... Bon, on n'a pas de terminus d'autobus vraiment proche du campus. En fait, il faut aller au centre d'achat pour ça, puis c'est déjà un petit trajet. Il n'y a pas vraiment... Il y a pas tant d'autobus entre les deux. On peut pas se faire débarquer quasiment sur le campus, en fait. Mais c'est pas juste ça, en fait. C'est on a eu vent dans les dernières années qu'il y avait un plan d'urbanisme à la ville, comme quoi est-ce qu'il devrait avoir un quartier étudiant entre le cégep puis l'université. Puis ça, bon, ben on ne l'a pas trop constaté dans les dernières années. Quartier étudiant, c'est-à-dire d'avoir des cafés, d'avoir des librairies, d'avoir certains commerces de proximité qui permettent aux étudiants des petites épiceries, des choses comme ça, du logement à prix modique qui n'est pas en train de tomber en ruine. ça, est-ce que vous avez des projets pour ça? Est-ce que vous voyez ça Ce qui a été défini, c'était pas tout à fait un quartier étudiant. Ce qui était défini dans le plan d'urbanisme, c'était un pôle, une zone, institution d'éducation. Donc, ça rejoignait la Flèche, le Cégep et l'université. Puis, il disait, tout ce territoire-là, il faut considérer que c'est une zone où sont beaucoup d'étudiants, vont beaucoup d'étudiants et tout ça. Mais vous avez raison, à date, qu'est-ce que ça a donné ou qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Ça fait partie des choses que moi, j'aimerais discuter avec les étudiants. Voir comment ils voient ça, puis qu'est-ce qui serait important pour eux là-dedans. Est-ce que c'est préférable qu'on facilite les résidences dans tout ce coin-là? Ou, en même temps, il y a un autre enjeu qui est de dire, est-ce que les étudiants, ça doit être coupé du reste de la ville? T'sais, est-ce que ça ne serait pas intéressant, par exemple, d'avoir une résidence ou d'avoir même une faculté étudiante qui serait plus dans le centre-ville? Tout ça, ça aussi, ça pourrait être une autre alternative. Fait que je pense qu'il faut discuter de ça puis réfléchir à ça. Moi, ce que je veux, c'est être à l'écoute des gens puis ce qu'ils souhaitent le plus là-dedans. Dans ce sens-là, à mon avis, c'est pas encore tout clair, ça. J'aimerais ça d'en discuter avec des étudiants pour voir comment ils voient ça. Parce qu'actuellement, en fait... Trois-Rivières est sur papier une ville étudiante, mais en fait, oui. Il n'est pas du tout. C'est ça. Il n'y a pas de proximité entre l'UQTR et le reste de la ville. Bon, là, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il y a des clans à Trois-Rivières, puis que c'est deux clans qui ne se parlent pas, la ville et l'UQTR. Ça, là-dessus, je veux pas commencer à faire un éditorial non plus, mais c'est ça, dans le fond... On a parfois, disons, un peu l'impression que M. Lévesque sait qu'il n'y a pas de vote étudiant à aller chercher, puis qu'il prend ça en considération quand il élabore ses politiques. Bon, ça, c'est... J'irai pas jusque-là, ça, c'est à vous d'évaluer. C'est moi qui le dis. Mais ce qui est vrai, c'est que au prorata de la population... Trois-Rivières, c'est une ville étudiante. Si on compte le nombre d'étudiants qu'il y a à Trois-Rivières versus la population, on score parmi les villes qui ont une place importante. Ce qui est aussi vrai, c'est que ça paraît pas. Ça paraît pas parce que c'est pas intégré et on n'en tient pas compte. Fait que c'est sûr qu'il faut aller au-delà de ça, il faut avancer puis en tenir compte. Ça fait partie des richesses de Trois-Rivières, ça. Mais c'est faible. Les collaborations entre, par exemple, la ville et l'université, prenons un exemple concret, elles sont là, mais elles ne sont pas très développées, sûrement pas autant qu'elles le pourraient. Fait que c'est clair pour moi que, par exemple, dans la campagne, bien, à la fois, je vais venir rencontrer les associations étudiantes, je vais venir rencontrer le recteur, je veux faire le tour parce qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, beaucoup plus loin. Fait que je pense qu'il faut se parler puis développer des projets qui vont faire que Trois-Rivières va pouvoir se dire une ville étudiante. Actuellement, il l'est, mais il ne peut pas se le dire. Sinon, aussi, si je peux me permettre de changer de sujet, vous avez parlé un peu de question de transparence dans l'octroiement des contrats. Il est sorti la semaine passée la nouvelle comme quoi que Denis Simard, qui était un ancien de l'équipe de campagne de M. Lévesque, a eu un poste, à la ville, et que bon, il n'y a rien d'illégal là-dedans, rien là. C'est juste que ça a soulevé, beaucoup de questions d'éthique, à savoir est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas des menaces que bon, ben aide-moi, puis je vais t'aider, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous prévoyez faire par rapport à ça, la transparence des contrats? Bien, d'abord, une petite correction, c'est pas un poste à la ville, c'est des contrats qu'il y a eu. C'est des petits contrats, mais il y en a eu 8 petits contrats sur un espace de 10-12 ans. Là. Donc, légalement, il n'y a pas de problème, vous l'avez dit, mais c'est sûr qu'en termes de transparence et en termes d'éthique, là où ça pose question, c'est pas le fait que M. Simon il était capable de faire les contrats qu'il y a eu là. Tu sais, des fois, on dit on a donné un contrat à quelqu'un pour lui donner un contrat, puis il n'était pas compétent. C'est pas le cas. Dans ce cas-ci, c'était de l'écriture de politique, puis il en a fait, puis il les a bien fait. Le problème, c'est qu'on les a attribués directement. On n'a pas pris la peine, par exemple, de faire un appel de candidature en disant, bon, ceux et celles qui pensent qu'ils peuvent bien remplir ce mandat-là, envoyez-nous votre CV, puis qu'un comité indépendant, un petit comité indépendant, là, on n'alourdit pas trop ça, parce que c'est des petits montants, choisira là-dedans. Ça aurait été un processus transparent. Puis si c'est M. Simon qui a le contrat, bien c'est M. Simon qui a le contrat, mais on est capable de le justifier, puis en fonction des autres candidatures qu'il y avait. Fait que je pense qu'il faut revoir ça. Et d'autant plus, tantôt je parlais du projet de loi 122 sur les municipalités, dans le projet de loi 122, et ça c'est très très clair, les municipalités vont pouvoir faire des dépenses qu'on appelle de gré à gré, donc direct, sans aucun appel d'offres, jusqu'à 100 000 $. 100 000 $ ça commence à être de l'argent. Hein? Oui, hein? C'est toutes les municipalités. Toutes les municipalités, y compris les plus petites, là, y compris une petite municipalité de 600 personnes. Là. Ah, et quand même, hein? Oui. Parce que 100 000 $ sur le budget de 3 heures, c'est quand même pas tant que ça, mais sur son le compte. Le budget de Saint-Tite, là. Oui, hein? c'est ça. La Ligue d'Action Civique, qui ont déposé un mémoire à la commission parlementaire, ils ont pris un exemple de petite municipalité, là, mais pas parmi la plus petite, là. Je pense que c'était dans ma Matépédia. Ça donnait 72 % des contrats qu'ils ont donnés, ils étaient en bas de 100 000. Donc, ça veut dire que le trois quarts des contrats seraient donnés de gré à gré sans appel d'offres. C'est quand même questionnable. Hey, ça donne l'impression que l'avenir est bel pour les futures enquêtes publiques. Oui, ou pour des émissions de radio comme la vôtre. Oui, c'est ça, ça va nous donner du stock beaucoup. Pour conclure, en fait, je n'ai parlé un peu tantôt, mais en fait, je voulais vous laisser la parole sur un truc. Ceux directement, là, qui pas parce qu'on parlait de l'inertie un peu du vote à Trois-Rivières, puis c'est le même au municipal, c'est le même au provincial. Trois-Rivières a toujours été considéré comme un comté baromètre là, dans à peu près toutes les élections. Là, ça vote avec les sondages, puis ça vote avec l'habitude. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui arrive puis qui vous dit « Mais oui, mais il faut laisser la chance à l'évêque de finir son projet, ça va ramener de la richesse dans la ville. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, je pourrais répondre d'y laisser la chance, c'est peut-être pas de la richesse, mais de l'endettement que ça va amener à la ville, premièrement. Puis deuxièmement, ça fait 16 ans là, que M. Lévesque est là. Puis avant ça, il était maire de Trois-Rivières-Ouest pendant 4 ans. Puis avant ça, il était conseiller à Trois-Rivières-Ouest. Là. Fait que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, il n'a connu que lui au niveau municipal. Peut-être qu'il serait temps d'amener des nouvelles idées, puis sans tout rejeter, mais d'être capable de changer un peu l'orientation de la ville. Bien, merci beaucoup. Ça a été très, très éclairant. On va rapidement faire notre tour de table. Je crois qu'on pourrait aller en pause. On pourrait aller en pause direct. Oui, effectivement, j'avais pas vu l'heure. Fait que c'est ça, la qualité de production. Donc, ben merci beaucoup. Merci, puis on aura peut-être l'occasion de se revoir d'ici au vote le 5 novembre. On espère. Bonjour.